Chapitre 71. La visite du médecin. Les soins d'André. L'affection et l'intelligence de celui qui soigne un malade ne contribuent pas moins à sa guérison que la science du médecin. En arrivant au bourg voisin de l'accident, les deux enfants furent installés chez une excellente femme du lieu. Le petit Julien souffrait de plus en plus. Il portait sans cesse la main à son front. La tête, disait-il, lui faisait bien plus mal que tout le reste. On le coucha pour le reposer, mais il ne put dormir. La fièvre l'avait pris, une de ces fièvres brûlantes qui sont le principal danger des chutes. André, alarmé, courut chercher le médecin. Par malheur, ce dernier était absent et ne devait rentrer que dans la soirée. André l'attendit avec anxiété, assis auprès du lit de son frère, dont il aurait tant voulu apaiser la souffrance. Les yeux fixés avec tendresse sur le visage accablé de Julien, il se sentait pris d'une tristesse indicible. Il voulut souffrir mille fois à la place de l'enfant. Il demandait à Dieu de lui donner à lui toutes les peines et de guérir son cher Julien. Le petit garçon avait fini par ne plus se plaindre. Il semblait plongé dans un rêve plein d'angoisse. Il avait le délire et murmurait tout bas des paroles sans suite. « Que demandes-tu, mon Julien ?» dit André en se penchant vers l'enfant. Julien le regarda tristement, comme s'il ne reconnaissait plus son frère, et d'une voix lente accablée. « Je voudrais retourner à ma maison, » dit-il. « Pauvre petit, » pensa André, « le chagrin qu'il avait hier ne l'a pas quitté. Ce long voyage semble maintenant au-dessus de ses forces. Oh mon Dieu, comment donc faire pour lui redonner du courage ?»« Mon Julien, » répondit André doucement, « nous aurons bientôt une maison à nous, chez notre oncle à Marseille. »« À Marseille, » fit l'enfant, avec l'air effrayé, « que donne le délire ?» « C'est trop loin, Marseille !» Puis il laissa tomber sa petite tête avec accablement, en répétant plus fort « C'est trop loin, c'est trop loin !»« Qu'est-ce qui est trop loin, mon ami ?» dit la voix tranquille du médecin, qui venait d'entrer. Julien releva la tête, mais il ne semblait plus voir personne. Puis, d'un air triste, lentement, traînant sur les mots, « Tout le monde a sa maison, » reprit-il. « Moi aussi j'avais une maison, et je n'en ai plus. Oh, que j'y voudrais bien retourner !» « Où souffres-tu, mon enfant ?» dit le médecin, en prenant la main de Julien dans la sienne. Julien ne répondit pas, mais il se mit à pleurer et à se plaindre par des mots entrecoupés. André alors expliqua leur accident de voiture, puis l'entorse au pied et au poignet. « L'entorse ne sera pas grave, » dit le médecin après examen, « mais cet enfant a une forte fièvre et un délire qui m'inquiète. Qu'est-ce que cette maison qu'il demande ?» André expliqua la mort de leur père, leur départ d'Alsace-Lorraine, leur long voyage. Comment Julien avait été courageux tout le temps, et même gai, mais qu'à chaque nouvelle séparation, et surtout à la dernière, il avait eu grand-peine à se consoler. « Pauvres orphelins, pauvres enfants de l'Alsace-Lorraine, » pensait le médecin en écoutant André, si jeune et obligé à déployer une énergie plus grande que celle de bien des hommes. André se tut, attendant l'avis du médecin. Il était tout pâle d'anxiété sur l'état de son frère, et deux grosses larmes brillaient dans ses yeux. « Allons, » dit le docteur, « j'espère que cette fièvre et ce délire n'auront pas de suite. Vous avez fait ce qu'il faut toujours faire dans les maladies. Vous avez appelé le médecin à temps. Ne vous couchez pas, mon ami. De demi-heure en demi-heure, vous ferez prendre à votre frère une potion calmante, que je vais vous écrire. Veillez-le avec soin. S'il peut s'endormir d'un bon sommeil, il sera hors de danger. » « Je reviendrai demain matin. » André resta toute la nuit au chevet de Julien, veillant l'enfant comme l'eût fait la plus tendre des mères, le calmant par des mots pleins de tendresse, ne cessant de demander à Dieu, dans la tristesse de son cœur, aide et protection. « Seigneur, s'écria-t-il, redonnez à mon Julien la santé, l'énergie et le courage, afin que nous puissions accomplir la volonté de notre Père. » Julien était toujours dans une agitation extrême. La nuit touchait à sa fin, et l'inquiétude d'André allait croissant. Enfin, Julien, épuisé de fatigue, resta immobile. Puis, peu à peu, il garda le silence. Ses yeux se fermèrent. Il s'endormit, sa petite main dans celle de son frère. André, immobile, n'osait remuer dans la crainte d'éveiller l'enfant. En voyant quel calme sommeil succédait au délire, il sentit l'espérance remplir son cœur. Il remercia Dieu. Il songea à son pauvre père qui, bien sûr, lui aussi les protégeait par-delà la tombe, et de nouveau, il s'adressa à lui, le priant de veiller sur son cher petit Julien. Enfin, brisé de fatigue et d'émotion, il finit par s'endormir lui-même à son tour, la tête appuyée sur le bois du lit où Julien reposait, la main immobile dans celle de l'enfant.